Sous les ongles, journée pluvieuse. Cabas dans le coffre, voiture ouvreuse. Traverse la ville entre midi et 14. Quand les ports sont à l'apéro, argent sale pour sûr. Itinéraire bis, tout faire pour éviter les courses poursuites. Le diable nous poursuit quand il ne nous montre pas la route à suivre. Parallèle économie illégale, profit. Au final, à qui le crime profite? La question se pose d'elle-même quand tombent les statistiques de la justice. Entre récidivés, honoraires décomplexés, des baves, pas de sortie rapide avec un putain de commis d'office. Si t'as commis l'irréparable, en lâche à le blast d'un assaut, t'es fini. Y'a plus que des Tony, Mani, Nino et Jimoni. J'ai grandi sur des carters. Y'a plus que des Tony, Mani, Nino et Jimoni. J'ai grandi sur des carters. Easy money, illegal life, chronique. L'illicite comme CNN ou Mob Deep. Argent facile à ce qu'on dit. Nino Brown, Jimoni, City Carter, New Jack City. Easy money, illegal life, chronique. L'illicite comme CNN ou Mob Deep. Argent facile à ce qu'on dit. Nino Brown, Jimoni, City Carter, New Jack City. T'as oublié de mettre de l'essence. T'avais rien à penser à part de mettre de l'essence dans le réservoir. T'avais que ça à penser, pis ça grouille de flics sur cette route. Pour transporter la merde d'un point à un autre, pas de grosse berline voyante, une Clio banale couleur sombre. Conduite souple, respecte les limitations. Garde la conduite sport et bolide pour les go fast et suicide mission. Rien de pire que les portables, même quand t'en dis le moins possible. T'en as déjà trop dit. Confession sur GSM pour le plaisir des condés qui peuvent te dire où t'étais, qui t'a vu, ce que t'as fait. Un joint bien tassé, une bouteille de whisky, on n'y pense plus. Jusqu'au réveil brutal, 6h menotté en calbut. La réalité te percute comme un ML monté Brabus avec un barbuff. La sentence tombe comme un coup de massue. Easy money, illegal life, chronique. L'illicite comme CNN ou Mob Deep. Argent facile à ce qu'on dit. Nino Brown, Jimoni, City Carter, New Jack City. Easy money, illegal life, chronique. L'illicite comme CNN ou Mob Deep. Argent facile à ce qu'on dit. Nino Brown, Jimoni, City Carter, New Jack City.